misérable parisien. Je baisse la vie comme elle vient. Je sors de chez moi, admire une photo emprunt. C'est nous la vermine, c'est nous dans le Berlin. On a perdu de la famille, on a coupé le produit. Je parle de la miséria. Quand les invités venaient à la maison, on regardait la bouteille de coca. Papa nous jetait des regards. Papa me manque, papa me manque. Pas la billet, pas un billet. J'avais la honte, j'avais la honte. J'avais rien compris à ce monde. Tes parents exemplaires, ils ne parlaient même pas la langue. 300 de loyer à Camigout, ou même pas le prix de ma montre. Il faudrait que je change avant de vouloir changer le monde. Au début on s'est une bande, à deux doigts de chair une bande. On va tous courir ensemble, sur les mêmes de la journée on se branle. Avec un semi-automatique, et même avec une arme en plastique. Comme des robins des bois, on monte sur Paris, on voit l'argent des riches. Misérable parisien, je baisse la vie comme elle vient. Je sors de chez moi, ADN photo empreinte. C'est nous la vermine, c'est nous dans le Berlin. On a perdu de la famille, on a coupé le produit. On est sociable comme on est sauvage. Je prenais mon ancienne vie. Les flammes touchent les nuages. Dollar, livre, sterling. Dans une doublure de valise. J'ai un petit bled profond. Il faut une maison en ville. Dans le dernier Lamborghini, je descends les Champs-Élysées. Vers Algérie, j'arrive au village dans mon champ d'olivier. Ce soir, je dors avec celle qui a gagné le concours de beauté. Je me suis perdu sur le chemin de la mosquée. Musique de cimetière, la mort est une surprise. À ma naissance, j'ai pleuré. À ma mort, je veux sourire. Même si on n'était pas heureux, au moins on faisait semblant. J'ai pleuré de larmes à feu, j'ai pleuré du sang. Misérable parisien, je baisse la vie comme elle vient. Je sors de chez moi, ADN photo empreinte. C'est nous la vermine, c'est nous dans le Berlin. On a perdu de la famille, on a coupé le produit.